Les aveugles. Contemple-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules dardant on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel. Ô cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi. Mais plus qu'eux hébétés, je dis, que cherchent-ils au ciel? Tous ces aveugles.